Chapitre 17e. Les Robinson venaient d'échapper à un danger terrible dont il était urgent de prévenir le retour. La présence de cet être mystérieux, tour à tour missionnaire, officier ou voyageur, constitue pour eux un péril dont les multiples manifestations pourraient revêtir les formes les plus inattendues. L'homme qui se transformait ainsi à volonté, qui poursuivait avec autant d'audace et d'habileté l'exécution de son projet ténébreux, ne pouvait être un criminel ordinaire. Il était évident qu'il convoitait le placer et qu'il ne reculerait devant aucune extrémité pour atteindre son but. Sa dernière tentative pour pénétrer au cœur de la place, en jouant avec une perfection inouïe le rôle de l'anglais monomane, montrait assez qu'il était rompu à toutes les ruses et que de nouveaux stratagèmes remplaceraient bientôt les anciens. Les Européens frémissaient encore à la pensée qu'ils eussent pu être, quelques heures plus tard, à l'entière disposition du bandit, et qu'un narcotique les eût livrés sans défense à toute la horde des gredins, ses complices, qui attendaient sans doute un signal pour les égorger sans défense. Il fallait en finir au plus tôt. Les Robinson, après un véritable conseil de guerre, résolurent de rassembler les hommes sur la fidélité desquels ils pouvaient compter, de se mettre à leur tête, après les avoir fractionnés en plusieurs troupes, et de traquer sans trêve ni merci les inconnus cachés au milieu des bois. Les armes et les provisions furent distribuées séance tenante et les travaux suspendus. Puis les mineurs se tinrent prêts à partir au premier signal. L'expédition devait se mettre en marche le lendemain matin, mais une série d'incidents étranges et terribles vint bientôt modifier ces projets si sagement conçus et en rendre peu après l'exécution inutile. La nuit était venue. Il pouvait être 11 heures du soir, quand tout à coup une lueur immense surgit dans la direction des chantiers, éclairant de rouges flamboiements les grands arbres debout au bord des zones aurifères. Les deux chiens de garde, Bob et Matao, hurlèrent lugubrement. Les Robinson, debout en un clin d'œil, s'armèrent aussitôt et demeurèrent sur la véranda, préparés à toutes les surprises. Duvallon se rendit aux cases, rassembla les hommes, posa des sentinelles, établit 3 postes, l'un au dégrade, l'autre au magasin, le troisième à l'habitation, et prévint les ouvriers qu'ils eussent à se mettre en route. Le feu, l'incendie plutôt, alimenté sans doute avec des matières résineuses, devint de plus en plus intense et toutes les formes devinrent distinctes comme en plein jour. 3 coups sonores retentirent et se répercutèrent avec fracas à travers l'immense vallée. Puis, un cri terrible, qui fit taire les singes hurleurs et imposa silence aux tigres eux-mêmes, vibra dans la nuit. 3 nouveaux coups, suivis d'une nouvelle clameur, tonnèrent quelques minutes après, puis d'épouvantables hurlements qui n'avaient rien d'humain, déchirèrent l'air embrasé. Cette farouche symphonie, qu'on eût dit orchestrée par un démon et exécutée par des damnés à la torture, dura près d'une demi-heure. Il fallait toute l'intrépidité des Robinson pour n'être ni effrayé ni même troublé par ce tapage que nulle oreille humaine n'avait perçu en pareil lieu. L'ingénieur rompit le premier le silence gardé par les auditeurs de cette cacophonie sauvage. « Une occasion unique !» Peut-être nous rapproche en ce moment de nos ennemis. Nous sommes nombreux, bien armés et ignorant la défaillance. Voici ce que je propose. 50 hommes, commandés par Nicolas et Charles, vont garder l'habitation. Je partirai en reconnaissance avec M. Duvallon, Henri, Edmond, Eugène, Lomi, Bachelicot et 50 autres hommes, parmi lesquels tous nos Martiniquais, qui sont d'une bravoure à toute épreuve. Nous nous avançons sans bruit, guidés par Matao. Bob restera ici. Nous reconnaîtrons la cause de cet inqualifiable désordre et nous interviendrons s'il y a lieu. Cette expédition ne présente d'ailleurs aucun danger, étant donné notre nombre et la perfection de nos armes. Les Européens possédaient en effet chacun une de ces admirables carabines Waterley-Guinard, portant chacune 7 cartouches métalliques à balles cylindro-ogivales contenues dans la monture de bois et qu'un mouvement de la culasse mobile charge automatiquement. La portée, la justesse et la pénétration de ces armes incomparables que tout homme voué à la vie d'aventure doit indispensablement posséder sont inouïes. L'entretien est nul et la solidité à toute épreuve. Charles, lors de son voyage à Paris, avait visité l'habile arquebusier de l'avenue de l'Opéra qui arme tous les explorateurs et lui avait acheté 10 carabines. Ainsi équipés, les Robinson pouvaient défier la horde des démons de la forêt vierge. La troupe commandée par Robin se mit en route silencieusement, en suivant des voies familières, éclairées d'ailleurs à Giorno par les reflets de l'incendie. Après une demi-heure de marche, elle arriva dans un bas-fond formé par le bassin de la crique Saint-Jean. Les hommes se masquèrent derrière les arbres formant autour de la clairière comme le mur circulaire d'un cirque immense et contemplèrent un spectacle inoubliable où l'étrange se confondait avec l'imprévu. Quatre foyers symétriquement rangés en carré sur une légère éminence et composés chacun d'un énorme monceau de branches entassées flambaient en pétillant. Au centre se tenait, insensible aux morsures des flammes, un vieillard d'une taille gigantesque, un Indien. Il était complètement nu. Ses longs cheveux blancs de neige tombaient sur ses épaules et faisaient ressortir étrangement l'énergie farouche de ses traits contractés par une colère terrible. Son corps d'athlète octogénaire, aux muscles saillants, scintillait aux lueurs fauves comme s'il eût été plaqué d'or. Cinq Indiens, nus comme lui, semblables aussi à des statues d'or arrachées de leur socle, gisaient immobiles comme des cadavres étendus autour d'une masse brune que l'on eût prise pour le corps d'un lamantin énorme. Un sixième, debout, devant le vieillard, se tenait, la tête basse, dans l'attitude du plus profond respect. Enfin, deux Européens, attachés étroitement chacun à un arbre, au tronc duquel était accroché avec la fleur de Victoria la tête d'Aymara, se tordaient en hurlant, les jambes consumées lentement par des charbons ardents qui mordaient leur chair et calcinaient leurs os. Le vieillard attisa les brasiers et revint près de l'homme toujours immobile. « À toi, mon fils, » dit-il d'une voix creuse, « à toi, le plus jeune des Aramichaux, meurs aussi. Les Blancs l'emportent. La forêt ne nous appartient plus. Le secret de l'or est violé. Notre race doit disparaître. Gadou nous a abandonnés. Meurs. De la main de ton père, Panaolin, le dernier des Aramichaux. » L'Indien releva la tête. Le vieillard toucha du bout du doigt un de ses yeux, et le jeune homme, foudroyé, s'abattit lourdement sur la terre au milieu des cadavres, déjà raidis de ses frères. « Et maintenant, » dit-il à l'un des Européens qui brûlait tout vif, « à nous deux. Blanc, tu m'as trompé. Je t'avais ramassé, mourant de faim, lorsque tu fuyais les hommes de Bonaparte. Ta chair saignait, la fièvre secouait tes membres. Tu voulais te venger des hommes à face pâle qui avaient été tes bourreaux. La même haine nous avait réunis, je devins ton ami. Je fus toujours pour toi un allié fidèle. J'ai appelé à ton aide Mamandilo, après l'avoir initié à tous nos mystères. Tu m'avais juré que tu possédais le piaille qui tue les hommes blancs, comme je possède le piaille qui tue les hommes rouges. Tu m'as menti, puisque les blancs de la vallée de l'or éventrent la terre avec la machine de feu et arrachent l'or des hommes rouges, les premiers possesseurs de la forêt. Blanc, tu m'as trahi, je suis vaincu, mais le Ourara, le Curar, nous sauve de la honte. Le Ourara a tué les derniers Aramichaux. Mamandilo est morte. Panaolin va mourir. Mais avant qu'il ait porté à son œil la pointe de son ongle, enduite avec le piaille sacré qui va le tuer, Panaolin va arracher la langue qui a menti. » Les Robinsons, stupéfaits, n'eurent pas le temps de faire un mouvement, et déjà le terrible vieillard avait saisi un sabre, ouvert d'un seul coup la bouche du malheureux et arraché d'un brusque mouvement un lambeau sanglant qu'il jeta dans le feu avec un geste de dégoût. Les Européens se précipitaient dans la clairière au moment où Panaolin s'avançait vers l'autre victime. Il s'arrêta à leur aspect et leur cria, avec un suprême accent de haine et de menace, « Et vous aussi, je vous hais, blanc maudit, qui avait abattu la forêt et ravi le secret de l'or, je vous hais et je meurs. » Il porta rapidement la main à sa figure et roula sur le monceau de cadavres. Robin et Henri avaient déjà reconnu à la lueur des bûchers les traits du dernier survivant de ce drame. Ce misérable, dont les jambes ne formaient plus que deux tronçons noircis, était bien l'inconnu qui s'était introduit à l'habitation sous les traits de l'Anglais. Oubliant tout ressentiment, et voyant seulement dans cet homme qui, la veille encore, voulait attenter à leur vie, un malheureux en proie à d'horribles tortures, ils tranchèrent ses liens, improvisèrent une civière et le firent transporter à l'habitation. Le magasin renfermait une ample provision de coton nouvellement récolté, dans lequel furent hermétiquement enveloppés ses membres mutilés. Le misérable sentit ses douleurs s'apaiser un peu, et ses plaintes déchirantes cessèrent bientôt. C'était un homme dans la force de l'âge, aux yeux vifs, dont les tempes grisonnaient légèrement. Sa face contractée encore par la souffrance eût semblé dans son insignifiante régularité banale à un observateur superficiel. Mais on s'apercevait bientôt, en l'examinant attentivement, que cette tête impassible était un masque susceptible de prendre toutes les empreintes, de revêtir de multiples individualités une véritable tête de comédien. Il ne ressemblait en rien aux trois personnages si distincts qu'il avait reproduits avec un incomparable talent de mime. Et maintenant qu'il était lui-même, il semblait que sa physionomie fût instinctivement à la recherche d'une impression étrangère à refléter. De temps en temps, un rictus sardonique contractait sa bouche et plissait ses yeux, quand son regard aigu tombait sur les Robinson qui le regardaient curieusement. Il parut faire un effort sur lui-même et dit, d'une voix sourde, « Donnez-moi, je vous prie, du tafia. » Chose étrange, cette voix voilée semblait le complément indispensable de sa figure sans expression. Cet organe, terne comme les traits, devait pouvoir se modifier aussi à volonté. « Du tafia, » répliqua vivement Robin, « vous n'y pensez pas. »« Je ne suis pas un enfant, n'est-ce pas ? Et je n'ai pas la moindre illusion sur ce qu'il adviendra de moi. Je suis perdu, sans retour. » « Mais, » voulut objecter l'ingénieur, « tout espoir de guérison n'est pas impossible. Allons donc. » Et quand bien même je guérirais, ce serait pour être livré aux autorités du pays. Elles ne plaisantent pas, les autorités guyanaises. Nous ne sommes pas des dénonciateurs, reprit avec dignité le proscrit, et encore moins des bourreaux. Soit. Mais la vie que vous laisseriez à mon corps mutilé serait pour moi une torture de tous les instants. Et je n'ai pas même un revolver pour me casser la tête. Heureusement que je n'en ai pas pour longtemps. Je vois d'ailleurs que vous ne seriez pas fâché de savoir qui je suis. Et par quel concours de circonstances je me trouve ici. Écoutez-moi donc, car cette histoire qui est un peu la vôtre vous intéressera. » Robin fit signe à un coolie qui apporta une bouteille du vieux rhum. L'inconnu en but avidement une large rasade. L'alcool lui procura une surexcitation passagère qui sembla momentanément apaiser tout à fait ses douleurs. « J'étais encore il y a 3 ans, dit-il de sa voix sourde, transporté libéré au pénitencier de Saint-Laurent. Le motif de ma condamnation importe peu. Ma peine achevée, je fis mon doublage de 5 ans comme résident libre. Puis je revins en Europe, où je vécus comme vivent la plupart des anciens forçats, en guerre avec la société. Je faisais naturellement partie d'une association de voleurs et j'attendais, en vivant sur le commun, une brillante occasion de faire fortune. Cette occasion me fut apportée à Paris par un beau-fils et son compagnon de voyage, que je reconnais bien en ce moment. Je flânais, un beau soir, au café Véron, où se réunissent volontiers les membres de la colonie guyanaise. J'écoutais les conversations en hommes toujours en quête de documents. Les mots d'or, de placer, de filon, me firent dresser l'oreille. L'ombre assez des millions, les affaires les plus fastueuses étaient discutées, puis conclues avec une largeur impliquant une opulence fantastique. « C'est bien, » me dis-je à part moi, « j'aurai ma part de ce magnifique gâteau. » Je suivis ceux dont la situation me paraissait offrir le plus de garanties. J'appris leur demeure, leur nom, ce qui m'intéressait de leur vie, tout, enfin. Je me constituais dès lors, sans qu'ils s'en doutassent, leur ombre. Je vécus de leur existence pendant leur séjour à Paris, et je réussis même à faire admettre un de mes complices dans leur société. Ceci, notez-le bien, est l'enfant de notre art et à nous autres damnés. J'en savais assez. Muni d'une somme suffisante, fournie par notre banquier, je partis sans hésiter pour venir étudier mon affaire sur les lieux et j'arrivai ici 2 mois avant vos 2 voyageurs. Le hasard me traita d'abord en enfant gâté, bien que j'ai appris, ou peut-être parce que j'ai appris à savoir me passer de son intervention. Je rôdais, sous l'apparence d'un mineur en prospection près du Sceau Hermina, quand je fis la rencontre d'un ancien compagnon de transportation, un pauvre diable nommé Bonnet, dont vous venez de voir la fin terrible. Bonnet, après s'être évadé il y a 10 ans, avait été repris et condamné à perpétuité. Il s'était évadé de nouveau et vivait depuis près de 3 ans avec les Indiens, complètement indianisé lui-même. Nous nous fîmes de mutuelles confidences avec cette franchise habituelle aux forçats entre eux. Bonnet, qui avait assez de la vie sauvage, m'avoua que le motif de sa retraite chez les Aramichaux était la découverte d'un fantastique trésor qu'il avait entrevu jadis et dont ceux-ci étaient les dépositaires. J'avais mieux à lui proposer. Je lui parlais sans réticence de l'affaire qui vous concernait et nous nous comprîmes aussitôt. L'embauchage des Indiens fut chose facile. Ces derniers descendants d'une race aujourd'hui éteinte nourrissaient contre les Blancs une haine farouche. Nous manifestâmes les mêmes sentiments et jurâmes solennellement de collaborer à l'extinction de la race blanche. Vous comprenez à demi-mot, n'est-ce pas? Il s'agissait de vous faire tous disparaître avec l'appui des Indiens, de nous emparer de vos titres de propriété, de prendre votre exploitation, de nous substituer à vous, enfin, et devenir d'honnêtes chercheurs d'or après nous être débarrassés de nos auxiliaires, bien entendu. Le cynisme de cet homme qui parlait avec un tel sang-froid d'une affaire, dans l'exécution de laquelle l'assassinat intervenait à chaque moment comme moyen d'action, souleva un murmure d'horreur. Il avala une seconde rasade et continua froidement, sans paraître s'apercevoir de l'impression produite. Les Peaux-Rouges étaient véritablement d'habiles auxiliaires, sans préjugés et possédant des procédés aussi surprenants qu'infaillibles. Ils exécutaient sans broncher les ordres de leur chef, absolument comme les sectaires du vieux de la montagne. La superstition et le fanatisme avaient une large part dans leur existence, je devrais même dire qu'ils en étaient avec la haine des Blancs l'unique fonction. Cette superstition était d'autant mieux exploitée par eux vis-à-vis de vos ouvriers que ces derniers la partageaient. Vous connaissez la légende de Mamandilo, n'est-ce pas? Eh bien, Panaolin, qui avait jadis capturé un jeune lamantin, avait réussi à l'apprivoiser au point de le rendre familier comme un chien. Le lamantin obéissait à un coup de sifflet, à un mot, à un signe. Il suivait son maître partout, lui épargnait la manœuvre de la pagaie entraînant sa pirogue et l'accompagnait même à terre, quand les besoins de la mise en scène l'exigeaient. Panaolin croyait de bonne foi être le maître de Mamandilo et il ne manquait jamais à chaque expédition de lui offrir en guise d'ex-voto une fleur de Victoria Regia et une tête d'Aymara. Nous essayâmes tout d'abord de moyens que je qualifierais de platoniques pour nous emparer du placer, spéculant sur la crédulité superstitieuse des Noirs. Nous tentâmes de leur faire abandonner l'exploitation en les intimidant. Les charivaris nocturnes, les reptiles déposés dans les trous de prospection, la mutilation des instruments de travail, les coups sur les arcabas, les hurlements de Mamandilo et de ses adorateurs, tels étaient les procédés enfantins employés en principe. Entre-temps, Bonnet, agile comme un macaque, se hissait à l'aide d'une liane, au haut du panacoco de la clairière et bien dissimulé au milieu des végétaux supplémentaires, frappait à tour de bras le tronc mort de l'arbre géant. Mais un soir, le directeur, qu'il n'était pas facile d'intimider, monta la garde et faillit éborgner Mamandilo. Nous résolûmes alors de frapper un grand coup. Le temps pressait d'autant plus que les voyageurs arrivaient d'Europe avec d'admirables instruments d'exploitation. Nous pratiquâmes un fourneau de mine sous une barre rocheuse, formant la ligne de partage des eaux entre le champ d'or et le bassin de la crique voisine. L'explosion détermina cette inondation dont les suites n'eurent aucun résultat pour nous. Décidément, les affaires allaient mal et les moyens violents devaient être pour l'instant supprimés. J'avais d'autres ressources. Vous avez pu vous en convaincre. Je songeais à utiliser alors mes talents de comédien pour m'emparer facilement et sans danger de vos richesses. J'avais eu la précaution d'emporter un assortiment assez complet de costumes que je revêtis suivant l'occurrence et nul doute que j'eusse réussi sans la déveine constante qui me poursuivit. Avouez, entre nous, que mes transformations en officier formaliste sur la provenance des marchandises et en missionnaire consolateur n'étaient pas sans mérite. Mais cet imbécile d'anglais vint tout gâter. Je dois également rendre justice à votre vigilance et à votre prodigieuse habileté de batteur d'estrade. Puis la chance vous a favorisé, c'est indéniable. Tant mieux pour vous. J'avais donc travaillé en pure perte et nos stratagèmes étaient éventés, mais la mort de l'anglais. Comment ? Interrompit brusquement Rodin. Vous avez tué le malheureux ? Non ! C'eût été un meurtre inutile. Il est mort d'insolation. La mort de l'anglais, dis-je, me suggéra une nouvelle combinaison. J'avais eu le temps d'étudier cet original. Vous le connaissiez à peine, et vous l'aviez vu seulement affublé du costume de fantaisie qui était mon œuvre. Sachant que ces deux jeunes filles n'étaient pas au placer, je résolus de remplir le rôle de ce personnage, de m'introduire près de vous et, ma foi, de jouer mon batou. La fatalité en décida autrement. Votre bonne étoile vous a sauvé. C'était la ruine de nos espérances. Panaolin, qui depuis quelque temps se défiait de nous, vit ses soupçons corroborés par cette série de revers. Le vieux coquin, se voyant vaincu sans retour, résolut d'en finir, et de nous anéantir tous avec lui. Ces hommes nous saisirent, nous amarrèrent chacun à un arbre. Vous savez le reste. » Le misérable, en proie à une fièvre ardente, râlait. Il demanda encore à l'alcool une passagère surexcitation et continua. « Messieurs, j'ai fini. Mes forces diminuent rapidement. Il me semble qu'une flamme ardente calcine mes entrailles. Dans quelques minutes, je serai mort. J'aime mieux cela. J'ai tenu à vous édifier sur mon compte, afin de vous montrer que je ne suis pas le premier venu. Simple amour propre d'auteur. Je suis, voyez-vous, un révolté de la nouvelle école. J'ai été vaincu, mais je ne me repens pas. Comme dans les romans, où l'on voit les bandits désarmés faire une fin édifiante et devenir le bon larron. C'est égal. Vous êtes de rudes hommes. Vous qui avez vaincu, ainsi Panaolin, ce vieux démon guyanais, qui personnifiait si bien cette terre jadis maudite, transformée par vous à force d'énergie. La vertu a donc accompli ce que le vice avait de m'en tenter. J'ai été pourtant un homme d'intelligence et de ressources. L'honneur vaudra donc mieux que le crime. En douteriez-vous encore dans ce moment suprême ? S'écria Robin d'une voix émue. En douteriez-vous en entendant le pardon que formule ma bouche en mon nom et au nom de ceux qui faillirent être vos victimes ? Le moribond darda sur l'ingénieur son regard aigu qui s'adoucit peu à peu. Une larme perla au coin de ses yeux. Sa poitrine se souleva avec effort, et il murmura d'une voix qui avait perdu son accent sarcastique. « Vous avez raison, monsieur. Je suis abject comme le crime. Vous êtes grand, comme la vertu. Merci à vous. Qu'avait fait verser aux damnés la première larme de repentir ?»